Tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Émission en direct le lundi à partir de 21h30, également en rediffusion le dimanche à partir de 23h et des poussières. Également écoutable sur son blog à tout moment de la journée, asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/Redman. Juste pour préciser ce que mes camarades de l'émission Stone Circus qui me précédait, les allégations erronées de notre camarade Stéphane, le coffret Captain Beefheart en quadruple vinyle est bien sorti sur ce format et non en CD. Voilà, je tenais à le dire, mais ils corrigeront de même dans une prochaine excellente émission qui nous proposeront dès lundi prochain. On va attaquer suite à deux émissions un peu spéciales. Place à l'actu dans tous ses états et on démarre là encore par de vieilles connaissances. Il s'agit du groupe Faust, le légendaire groupe dada proto-industriel de Vumeux, près de Hambourg, qui reviennent avec un nouvel opus sous le titre Just Us, ou plus exactement, ça se lit Just, et ça se prononce donc Just Us, il y a une subtilité, et c'est sorti il y a de ça quelques jours sur le label de Hambourg, Bureau B. Just Us, c'est plus exactement Jean-Hervé Perron et Zappy Diermeyer, les deux membres fondateurs qui s'étaient adjoints ces dernières années les services de Momo Kambusa, Doolan Butter ou encore de Geraldine Swain ou encore de James Johnston de Gallon Drunk, et qui reviennent donc cette fois-ci uniquement tous les deux pour un album qui est somme toute assez minimal, peut-être raison économique à cause des effectifs un peu réduits, donc un album un peu loin des fulgurances de jadis mais qui est quand même plutôt écoutable. On va entendre le titre le plus parlant de cet album de Faust, le morceau Sur le ventre, extrait de ce Just Us. Thank you. aplati sur le tapis, il se coince les câbles sous les bas de pelote. Cavalcade infernale. Ventre à terre. Le cul dans les fourmis. Le nez dans les étoiles. Aplati. Aplati sur le tapis. Pelote, note par note, temps par temps, le cul dans les fourmis, le nez dans les étoiles, sourire dans les déboires. Allongé dans l'herbe. Dans l'herbe, aplati sur le ventre. Ça avance, ah ça avance. Ah ça cabane, infernal. Ah ça avance, on avance. Ah bon, ça avance, ça avance. Je sais pas où ça nous mène, mais ça avance là, ça cavale hein. Ah bon Dieu, ça avance, ça avance, ça cavale. Aplati dans l'herbe. Le ventre à ras de terre. Le cul dans les fourmis. Le nez. Dans les étoiles. Pattes, pelote. Sourire. Cap, pattes, pelote. Inferno. Dans les fourmis, le ventre sur terre, le nez dans les étoiles. On avance, ça cavale, ça cavale. Bon Dieu, ça avance. Cavalcade infernale. première séquence de l'actu parallèle hebdomadaire de l'Asile le plus sûr qui a démarré avec une série de deux titres de Noise Footrack. Tout d'abord, le dernier album en date du groupe légendaire Faust qui vient tout juste de sortir sur Bureau B. Un album plutôt assez dépouillé, uniquement messieurs Zappi Diermeyer aux diverses percussions et bruits industriels et Jean-Hervé Perron basse, guitare et poésie dada comme à son habitude depuis le début des années 70. Donc un album plutôt honnête, sans plus, mais qui s'écoute évidemment pour les fans du groupe légendaire du krautrock allemand. Et je voulais vous signaler par ailleurs une compilation, un tribute to Faust sous le titre On the Way to Vumeux, qui est un hommage qui est rendu par un collectif d'une douzaine de groupes internationaux totalement inconnus au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a notamment des Argentins, des Irlandais, des Canadiens ou encore des Serbes pour cette compilation qui regroupe plutôt des titres du début. D'ailleurs, elle est dédiée à la mémoire de Rudolf Sosna, qui était l'un des compositeurs assez importants de cette formation à géométrie variable dans le début et la première moitié des années 70. C'est disponible d'ailleurs entièrement en téléchargement libre sur le site On the Way to Vumeux.bandcamp.com. On mettra évidemment ce lien sur le blog de l'émission. Et c'était enchaîné avec une formation qui réunissait trombone, saxophone, violon, pédale, ampli et pas moins de deux batteries. Et tout ça propulsé par cinq jeunes danoises qui pratiquent l'impro drone noise et les compositions assez nouvelles sous le nom de Selvanter en un seul mot. Et avec un H au milieu. L'album s'intitule Motions of Large Bodies. Il sort ces jours-ci sur Edget Valelse. C'est totalement impossible à dire le danois. Il s'agit du combo le plus soufflant du Danemark. On les avait découvertes avec leur premier opus qui était sorti en 2012. Là, je ne vais pas vous faire l'affront de prononcer le nom de ce disque, et celui-ci donc avec un titre anglo-saxon, Motions of Large Bodies, va un tantinet plus loin dans les croisements noise free. Et ce disque est également écoutable d'ailleurs dans son intégralité sur leur SoundCloud, dont on mettra également un lien sur le blog de l'émission. En tout cas, un disque qu'on réécoutera certainement parce qu'il est vraiment très très varié, cet album de Selv. On continue toujours du côté de l'Europe du Nord et cette fois-ci la Suède avec le combo de post-punk The Skull Defects et un EP maxi sorti sous le titre Street Metal dans une édition assez limitée d'ailleurs sur le label plutôt spécialisé en musique électronique Diagonal, et c'est distribué d'ailleurs via Thrill Jockey qui est le label qui a beaucoup illustré la musique de The Skull Defects depuis une bonne dizaine d'années. Et donc une série de 4 morceaux dont un remix dub qui témoigne là encore de la belle vitalité jamais démentie de cette formation qui a démarré à peu près vers 2005. Ils sortent à peu près 2 à 3 trucs en moyenne par an. Leur dernier album long, Dances in Dreams of the Known Unknown, était d'ailleurs sorti des presses de Thrill Jockey au printemps dernier. Et on écoute un titre sur lequel on retrouve la voix affûtée de Daniel Higgs, le morceau Mammal Combination par The Skull Defects. Bleib in deinem Versteck, hör dich nicht versteck. We'll be right back. une séquence très contrastée, comme aurait pu dire Garcimore, avec tout d'abord The Skull Defects, le groupe suédois, mais en compagnie, comme c'est le cas depuis quelques années, de son chanteur américain, le hirsute Daniel Higgs, ex Long Fish, et un tout nouvel EP sous le titre Street Metal, très beau vinyle vert dans une pochette noire, je dois dire. Donc c'est sorti chez Diagonal il y a de ça quelques jours, et bon, c'était plutôt un EP qui n'apporte pas grand chose de plus à la longue carrière assez émérite de The Skull Defects, mais de très très belles factures, donc comme je disais, et des compositions nouvelles et toujours très fraîches, qui étaient enchaînées avec une séquence de trois titres enchaîné, extrait de Science Fiction Park Bondes Respublic, sous-titré German Home Recording Tape Music of the 80s, compilation de 25 titres dont le curateur n'est autre que le rétro-futuriste Félix Kubing, qui, non content de produire des petits joyaux électro-bizarres tous les 36 du mois, a réuni 25 titres rares de synth-pop et post-punk allemand joué sur Casio et boîte à rythme vintage, produit donc au tout début des années 80 en République fédérale. On y retrouve quand même quelques personnalités de ce qu'on a pu appeler la New Dutch Wave, telles que Holger Hiller, le membre de Palais Schaumburg qui a fait sa carrière solo bien connu dans les années 80 principalement. Pyrolator, le futur d'Airplane, est aussi de la partie, ou encore CHBB, qui n'est autre que le projet de Beate Bartel, qui a participé notamment à Einstürzen Neubauten de manière un peu sporadique au début des années 80, puis surtout à Liaison Dangereuse, et qui était sur ce projet en compagnie de Chris Lo Haas, qui lui a fait partie de DAF, de Crime and the City Solution, et également lui aussi dans Liaison Dangereuse. On a écouté une série donc de trois morceaux enchaînés de cette compilation Science Fiction Park Bundesrepublik. Holger Hiller à l'instant, Plastic Tanz, que je ne connaissais pas, qui a sorti un unique 45 tours en 1981, et le titre du début, c'était Dit un Uta, qui ouvre d'ailleurs cette compilation d'hymne bavarois hautement recommandable et qui est sorti grâce au bon soin des Finder Keepers et de sa subdivision cacophonique Cache Cache. Voilà, vous savez tout pour cette compilation Science Fiction Park Bundesrepublik. On va pouvoir passer à la suite. Et il s'agit d'un duo, le retour des improvisateurs Andy Moore, le guitariste de The X, avec l'électronicien d'origine chypriote Yanis Kyriakides, qui reviennent avec un nouvel album, A Life is a Billion Heartbeats. C'est sorti sur le propre label d'Andy Moore, l'entité Unsounds, qui a une production plutôt assez régulière et toujours de haute qualité. Ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que Andy Moore collabore aux côtés de Yanis Kyriakides, donc c'est une collaboration plutôt fructueuse. On connaît moins ce Kyriakides, mais il a étudié la composition aux côtés de Louis Andriessen et de Dick Reichmakers, et il est basé comme de juste et comme son acolyte aux Pays-Bas. Une série de titres dans lesquels ils mélangent leurs propres improvisations avec des samples de musique du monde, et c'est une anthologie plutôt très réussie, et dont je propose d'écouter le titre qui a donné son nom à ce florilège, le morceau A Life is a Billion Heartbeats. going in. Keep a tight leash on that umbilical. You're gonna have to take up the slack. The slack. You're gonna have to take up the slack. Going in. I'd be halfway to Alhambra by now. I'm going in. Thank you. Une séquence au lyrisme ébouriffant dans l'asile le plus sûr avec deux nouvelles nouveautés. Tout d'abord, un nouveau disque en duo entre Andy Moore et Yanis Kyriakides sous le titre A Life is a Billion Heartbeats. Ça vient tout juste de sortir sur Unsound, l'entité batave pour sortir des disques de Monsieur Moore. D'ailleurs, il a aussi sorti en parallèle un disque de la joueuse de sho, l'instrument chinois qui sert notamment pour plutôt japonais d'ailleurs, cet orgue à bouche qui sert dans la musique gagaku. Je crois que les origines du sho sont chinoises, mais on l'entend beaucoup dans le gagaku japonais. Et donc Sarah Peebles s'est un peu illustrée comme la référence en la matière, et elle a sorti un disque également sur Unsounds sous le titre Delicate Pass, qu'on écoutera peut-être dans une prochaine émission. Et le duo Kyriakides et Moore était enchaîné avec le disque Radiant versus Oui Gelbi. C'est le retour du trio d'improvisateurs électrosoniques d'origine autrichienne entre le percussionneur Martin Brandelmeier, le bassiste électro John Norman et la guitare électronicienne de Martin Sievert, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années et qui ont sorti pas mal de choses, notamment chez Thrill Jockey. Alors on les croyait plus ou moins dans une longue léthargie drone bien évidemment. Leur dernière livraison datant de la fin des années 2000, mais en fait ils sont plutôt très occupés chacun séparément à collaborer à qui mieux mieux, et on les retrouve cette fois-ci donc sous le nom Radiant aux côtés de Mr. Oui Gelbi, qui est un songwriter américain originaire de Tucson dans l'Arizona et dont votre serviteur ignore à peu près tout, à part qu'il a fait partie de Giant Sound et que ses spoken words sur ce disque Radiant versus Oui Gelbi sont très à propos, et que le disque est très très réussi. C'est sorti fin novembre sur le label des Radiants, Radiant Releases, et c'est aussi distribué d'ailleurs par leur compatriote, le label autrichien Trotzt. Voilà, on va continuer avec une séquence plutôt de free un peu échevelée avec la musique de monsieur Yann Joussin, à l'occasion d'un concert qu'il va donner ces jours-ci. Ce sera en fin de cette semaine à Rennes, au lieu la Maison de la Grève, boulevard Le Graveran, juste en face du bar Le Delta, l'ancien fournil de Chézy, qui a été recomposé en lieu pour accueillir des événements et aussi des cantines. Vous avez plus d'activités d'ailleurs sur la Maison de la Grève sur le site internet maisondelagreve.boom.org, et donc ce vendredi 5 décembre, deux performances en entrée libre. Yann Joussin, batteur qui a démarré principalement au sein du collectif Quax dans pas mal de formations, notamment Rétroviseur, Pipeline. Il a fait aussi partie récemment du Quax Orchestra, dont il a signé la plupart des compositions, le disque qui est sorti il y a de ça quelques mois. Et il s'est surtout illustré au sein du trio DDJ. Yann Joussin qui se produira en performance avec une danseuse, donc performance, danse et Minstrel Noise pour claquettes, cloches et flûte. Et je propose d'écouter la musique qu'il produit en solo avec son disque qu'il avait fait paraître, je crois que c'était début 2012, sur le label Quax Records, sous le titre Foc éventré, un disque plutôt de composition atypique par un batteur protéiforme. On pense d'ailleurs pas mal au disque La Girafe de monsieur Jacques Tolo, le regretté batteur du Free historique français, qui lui aussi produisait des choses qui mélangeaient batterie et différentes compositions à base d'électronique et pas mal d'autres choses. On va écouter deux titres de Foc éventré et un autre projet de monsieur Yann Joussin qui se produit donc ce vendredi 5 décembre, mais on démarre donc par le Foc éventré et une intro à ce disque qui est très très kitsch, vous allez pouvoir le constater. Thank you. Et voilà une séquence autour du batteur Yann Jussin, l'un des musiciens les plus passionnants du jazz free hexagonal, qui n'hésite pas donc à se fendre de galettes plutôt du côté du free rock. Tout d'abord, on a écouté son solo sous le titre Phoque éventré, qui est un disque plutôt étonnant. Là, on a entendu des choses, notamment à la flûte électronique et aussi un peu batterie. Ça risque d'être assez différent de ce qu'il va produire ce week-end à Rennes en concert aux côtés de sa camarade, la danseuse Anna Gaiotti. Donc pour la performance Ange de l'Histoire versus Phoque éventré à la Maison de la Grève, rue Le Graveran, au numéro 37, très exactement. On l'a entendu juste à l'instant au sein d'un trio qui vient tout juste de sortir une petite galette sur le label Carton Records. D'ailleurs, il s'agit du trio Snap, où on le retrouve aux côtés de son camarade Julien Després à la guitare et Clément Edouard à la batterie. Donc des musiciens plutôt réguliers de l'avant-garde jazz hexagonal. Le disque Bras de ce groupe Snap, mini-album donc, comme je vous disais, qui vient de sortir sur Carton Records, que vous pouvez d'ailleurs écouter sur le Bandcamp du collectif Quax. Et pour revenir à cette soirée du vendredi 5 décembre à la Maison de la Grève, il y aura un autre projet, là plutôt du free pur cru, on pourrait dire, dans lequel on retrouvera Maxime Bobo au sax, Patrice Grant à la contrebasse et Étienne Ziemniak à la batterie. Donc le Vocuila Trio, la formule plutôt free jazz de Étienne Ziemniak, qui a aussi une formule beaucoup plus free funk façon Ornette Coleman, de son ensemble Vocuila. Tout ça donc à la Maison de la Grève. Plus d'informations sur le site interzone.free.fr. Et comme le week-end va être assez chargé, je voulais aussi vous signaler une performance du Daniel Pabeuf Unity, qui sera en showcase également ce week-end, le 6, donc le lendemain décembre, au Panama, rue Bigot de Préaméneux, à Rennes. L'ensemble du saxophoniste Daniel Pabeuf, dans lequel on retrouve Mistress Bombache au laptop et voix, David Devert au clavier et Nicolas Couret à la batterie. Et il y a possibilité d'envoyer un message d'ailleurs pour assister à ce concert à la structure mcommusique.com. Voilà pour le showcase du Daniel Pabeuf Unity ce samedi 6 décembre. On va continuer avec un musicien du jazz free un peu historique américain, qui est l'un de mes préférés. Il s'agit de Frank Lowe. Frank Lowe, à qui le label Triple Point Records a consacré une sortie d'un projet de 1974 sous le titre Out Loud, qui est un double LP d'un projet qui n'a pas sorti de disque à l'époque. Il y avait un disque qui était programmé et qui finalement aurait été retardé. Et donc le label Triple Point Records, plutôt spécialisé dans les archives free assez luxueuses, s'est fendu d'un double vinyle avec un insert de photos et de textes assez copieux. Et je dois dire que c'est une réédition, ou plutôt une édition un peu exagérément chère à mes yeux, puisque le coffret donc, de ce Out Loud du groupe de Frank Lowe coûte pas moins de $90. Donc c'est un peu une honte pour un musicien qui a compté beaucoup dans le free jazz historique, qui avait un côté contestataire et social très avancé. Et le label, le Triple Pound, d'ailleurs, s'est aussi fendu d'un coffret à $300 précédemment. Donc pour me venger, je vais me rattraper en écoutant le disque qu'il a sorti l'année précédente, l'un de ses tout premiers albums, son deuxième. C'était sorti sous le titre Black Beings sur le légendaire label de Bernard Stallman, ESP Records. On retrouvait Frank Lowe aux côtés de Joseph Jarman de l'Art Ensemble et de William Parker à la basse. Rachid Sinan était à la batterie et The Wizard au violon. On écoute une longue séquence, le titre Toulani, extrait de ce Black Beings, qui est disponible, lui, à un prix somme toute très très convenable, comme cette deuxième ou troisième édition vinylique que je propose d'écouter tout de suite, le titre Toulani par Frank Lowe. Yeah. La quintessence paroxystique du jazz free du sax ténor Frank Lowe, extrait de ce disque Black Beings qui était sorti en 1973, l'une des dernières sorties d'ailleurs du label légendaire de Bernard Stallman, époque historique en 1973, ce qui ne rajeunit pas votre serviteur. Un disque qui a été réédité à maintes reprises. Si vous intéressez à Frank Lowe, d'ailleurs, je vous conseille aussi de vous procurer le Tricks of the Trade, qui est un concert de 1976 en France, à Rouen d'ailleurs, par le Frank Lowe Quartet, édité par le brillantissime Gérard Terrones et son label Futurama. C'est aussi réédité en CD. Et donc, comme je vous disais, donc le Out Loud, qui est une production de Triple Point, que vous pouvez sans doute écouter sur des plateformes d'écoute de musique libre sur internet, donc par une formation qui réunissait Joseph Bowie, William Parker, Steve Reid, Ahmed Abdullah. C'est un double vinyle mais à un prix extrêmement dispendieux. Voilà, deux longues galettes de la musique de Frank Lowe de l'époque 1974. Voilà, l'asile est quasiment terminé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist sur le blog de l'émission asile35.blogspot.com ou .fr, et également y poster peut-être des commentaires. Vous pouvez évidemment podcaster l'émission ou l'écouter en streaming, de même que l'ensemble des émissions depuis la rentrée 2013. On va se quitter avec un dernier titre, cette fois de musique plutôt estampillée ambiante, et le projet Black to Come de monsieur Mark Richter, qui est un Allemand basé du côté de Hambourg, plus connu grâce à son label Décordeur, qui illustre à merveille les musiciens électro-acousticiens les plus singuliers de ces dernières années. Excellent label Décordeur qui existe depuis une bonne dizaine d'années, de même que son propre projet Black to Come, qui est une sorte de croisement entre Charlemagne Payne Esteen et Terry Riley, mais réactualisé avec des sons électronica contemporains. Le label Type vient de sortir une galette, ou plutôt une double galette, sans nom d'album d'ailleurs, sous un titre éponyme, Black to Come, qui fait suite au disque qu'ils avaient sorti il y a de ça, ben, ça fait déjà 5 ans, sous le nom Alphabet 1968. Et je propose de terminer avec le titre Is Nowhere, qui sera un avant-goût à une nuit bien chargée. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série de salves d'actu décalées avec l'asile le plus sûr. Salut, à bientôt.